Nous allons parler de la gestion de crise et des conséquences de l'épidémie de Covid-19 au Brésil. Plusieurs mesures ont été prises, et ce, dès fin janvier 2020 dans ce pays-là, pour appréhender et gérer cette crise. Fin janvier, le Brésil considère que le Covid-19 est une menace imminente et va élever le niveau d'alerte d'urgence du pays. À partir de la mi-mars, le Brésil va fermer partiellement ses frontières avec des pays voisins, comme le Venezuela, et des municipalités vont déclarer l'état d'urgence. Il va également y avoir une aide internationale humaine, puisque Cuba va envoyer 5 000 médecins pour essayer de combler le manque présent au Brésil. Mais c'est vraiment au niveau local qu'il va y avoir le plus d'actions menées pour régler cette crise et empêcher la diffusion du virus, car ce sont principalement les gouverneurs et les maires qui vont avoir le pouvoir de confiner, de fermer écoles, universités et commerces. Mais là où le gouvernement, lui, est plus sur une vision de reprise de l'économie et surtout de déconfinement le plus rapide possible. Le Sénat a également récemment obligé les hôpitaux privés à donner des lits. Il est encore très compliqué de mesurer l'impact de ces mesures, car le Brésil est encore en plein milieu de la crise et donc on ne sait pas encore sur quoi cela va aboutir. D'autant plus que même là où il y a des mesures de confinement, la situation sociale, notamment dans les favelas, fait qu'il est quasiment impossible de respecter ces mesures et que le virus continue de se propager. Au niveau de quelques dates clés, on peut parler du 25 février où le premier cas de Covid-19 a été détecté, du 17 mars où il y a eu le premier mort, le 10 avril où le Brésil passe la barre symbolique des 1 000 morts, et notamment aussi le 19 mai plus récent où le Brésil a connu 1 000 morts en une seule journée. Aujourd'hui, le 28 mai 2020, il y a 411 000 cas officiellement détectés au Brésil pour 25 598 morts. Il y a eu de nombreuses polémiques au fil de cette crise depuis le mois de janvier au Brésil, notamment et la principale est certainement sur le nombre de cas de Covid-19 réels, puisque de nombreux experts ont estimé que le nombre contaminé était probablement multiplié de 9 à 18 fois afin d'avoir le nombre réel. Il y a également des manifestations anti-confinement à laquelle le président Jair Bolsonaro participe, et les démissions à la chaîne dans le gouvernement des ministres de la Santé, puisque c'est déjà le troisième ministre de la Santé au Brésil depuis le début de la crise. Il y a également des fake news qui ont traversé le pays, notamment le fait que Bolsonaro soit contaminé, ou Bolsonaro lui-même qui propageait de fausses informations de marchés entièrement vides afin de prouver qu'il fallait absolument déconfiner le pays, même s'il s'est excusé et a supprimé ses publications après ça. Au niveau des conséquences, il faut se dire qu'au Brésil, elles vont être extrêmement variées. Il va bien sûr y avoir des conséquences sanitaires, des conséquences sociales, notamment au niveau des favelas, des conséquences économiques avec une crise et une récession à venir apparemment terribles, des conséquences politiques, puisque des alliances nouées avec Bolsonaro au moment de son élection ont déjà volé en éclats. De nombreux gouverneurs qu'il soutenait se voient aujourd'hui en opposition au chef d'État. Et il y a également quelque chose de plus surprenant, des conséquences environnementales. Car depuis le début de la crise, les patrouilles de protection de la forêt ne circulent plus et on a vu qu'il y a une augmentation de 30% de la déforestation en mars 2020. Ainsi, cette crise est globale. Le Brésil est déjà probablement le pays le plus touché au monde, ou le sera certainement prochainement, et les conséquences très importantes et particulièrement variées auront de nombreux impacts.